imagine celle si amère. Je veux les faire souffrir car ce n'est pas juste. Tous ces garçons et ces filles tournés vers les autres. Tout ce que je pourrais dire, elle pourrait faire.